Chapitre 7e. Une chose qui intriguait fort Madame Murray, c'était que M. Lassell resta rarement auprès de son fils en sa présence. On parlait un jour de faire une promenade à cheval. Il n'y avait que Madame Murray et Bobby à la maison. Quand les chevaux furent sellés, il arriva que le précepteur et Madame Murray se trouvèrent seuls sous la véranda, tandis que le groom promenait les chevaux devant la porte. Madame Murray regardait d'un air distrait le sol calciné, les plantes desséchées dans le jardin. « C'est affreux, n'est-ce pas ? » fit-elle à la fin, en se tournant du côté du précepteur. « Il faut que cela finisse. On dirait que la terre entière est en train de périr. Êtes-vous allé du côté de Creek, monsieur Lassell ? Dans cet endroit où le feu a pris avant-hier, il paraît que le sol est tout fumant. »« Je ne l'ai pas encore visité, madame, » répondit Arthur. « Vous devriez nous accompagner alors. » « Bobby tient beaucoup à ce que j'y aille. Il y a des arbres, me dit-il, qui sont encore brûlants, et quand il fait noir, on croit voir des tours embrasées et des fenêtres illuminées dans la forêt. « Je vous remercie, madame, » répondit le précepteur d'un ton froid. « Il me serait impossible de sortir aujourd'hui. » Le refus eût été presque brutal, provenant d'un autre que lui. Aussi s'empressa-t-il d'ajouter que la malle d'Angleterre devait partir le lendemain et qu'il n'avait pas encore songé à sa correspondance. Mais Madame Murray s'en alla sans lui adresser de nouveau la parole. Bobby fut tout étonné de voir que sa mère se servit librement de sa cravache. Il ne la reconnaissait plus, la sachant trop bonne écuyère pour y avoir recours, mais il n'eut garde de s'en plaindre. Cela l'amusait fort de la suivre au grand galop, le long des plaines poudreuses, et de faire sauter par-dessus les tronçons des arbres pourris son beau cheval alezan. Elle ralentit cependant le pas de son coursier en se laissant aller à une rêverie profonde. « Monsieur Lassell monte bien à cheval ?» demanda-t-elle enfin. « Rather, » dit Bobby avec emphase. Ce mot, employé dans son sens affirmatif, entre dans le vocabulaire de l'argot le plus pur de l'écolier australien. Il perd alors entièrement sa signification d'un peu, il veut dire au plus haut degré, et représente, si on peut se servir de cette expression, le superlatif de vie. « Bobby, » dit encore sa mère, comme on approchait de la maison, « tu n'as jamais vu M. Lassell sans lunettes, n'est-ce pas ?»« Jamais, » répondit l'enfant. « Mais savez-vous, mère, je suis sûr qu'il voit quelquefois presque dans mes pensées. »